de ma vie. C'était l'âme qui encore dans mes yeux. J'ai oublié par lassitude tous ces espoirs de lendemain heureux. Alors que dans ma tête grandit ce nouveau refrain de vie, j'ai peur d'oublier ce feu qui m'avait empressé déjà dans ma mémoire. Ce jus d'autres yeux, d'autres feux, et tous ces jeux aux amoureux. Je le chante encore une fois pour toi. Pas besoin de se dire adieu quand on s'ouvre tout.